premier album de Cayenne. Une heure de live et d'exclu tous les soirs, de 20h à 21h, en direct avec Fred et Cayenne sur Skyrock. Et retrouve Planet Rap Cayenne en vidéo, comme si t'étais dans le studio, sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Si je te dis 30 jours à nous, tu me dis quoi? Prospectus but. Bon, tu me dis pas vacances en amoureux? Non, 30 jours d'offres canon sur les produits préférés des clients, et nous on est clients. Oh, t'as raison, je défais les valises. Ben oui. Mobilier, déco, électroménager, en ce moment chez But, retrouvez vos produits préférés à prix incroyable. But, c'est nous. Conditions en magasin et sur but.fr. Skyrock. Premier sur le rap. Que je fais du feu, puis je rends maman fière et je voyage jusqu'à Miami. Les rats, je parle, mais bon, j'encaisse. Tu connais les moqueries, les faux frères. Remplis de ce vie, nouveaux amis qui sont attirés par le profit. Tu vois le genre de profit, le genre de mec qui profite. Toujours là dans la lumière, mais tu oublieras comme Michael Scott. Je les voyais rire de moi, ils m'ont sous-estimé. Aujourd'hui, Kane a dit leur, c'est ma destinée. Et je roule un joint d'air dans mon set. Non, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cayenne. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Cayenne, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle semaine, bienvenue Cayenne. Merci Fred. Attends, on va t'entendre, ça va être mieux quand même. Ouais, je m'entends pas. Voilà, tu t'entends? Non, toujours pas. Tout va bien? Tiens, il faut que tu... Je l'ai augmenté un peu, non je m'entends pas. Bon, on va régler ça. Tiens, vas-y. Enlève-le pour l'instant, tu vas m'entendre. Je t'entends comme pour ça. L'instant, c'est cool. Pour l'instant, tu vas m'entendre. Ça va? Ouais, ça va et toi? En forme? Super. Bon, t'es prête, ton premier Planet Rap? Ouais, c'est ça. T'es venu quelques fois, Gizmo notamment? Ouais, en accompagnatrice. Avec l'équipe Yoni Willy, ils sont là aussi, on les salue. Ça bouge pas, toujours bah, là. Ça bouge pas, en pleine forme. Ouais, Fred, et toi, comment vas-tu? Eh bah, moi, je suis super content parce qu'il y a un projet qui arrive qui s'appelle Faut qu'on se lève. C'est ça. C'est bah, donc là, le premier projet officiel de Cayenne. Le tout premier projet, ouais. Tout premier. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça va, c'est un projet très consistant avec beaucoup d'univers et à découvrir. C'est pas mal. Et bon, petite fille de 20 ans qui se lâche. Petite fille de 20 ans. Petite fille de 20 ans, bah ouais. Bah ouais, carrément. J'ai l'impression que c'est surtout femme maintenant, hein, femme de 20 piges. Ouais, entre deux, on va dire. Ouais, ma crise d'adolescence, elle est toujours en cours. Ah, encore en cours? T'es encore en cours? Ouais, toujours en cours. Reste encore un petit côté ado. Ouais, carrément. Bon, et bah, pour le découvrir aussi cette semaine entre 20 et 21. Oui, Willy, excuse-moi. Ouais, ça va. J'étais coupé. De toute façon, elle est à l'aise. Bah oui, je vois ça. Elle a fait ça toute sa vie. Bah, elle connaît l'émission, elle connaît le studio. Ouais, c'est le but. Les images sont dispo. Si vous voulez découvrir aussi Cayenne en images, c'est sur le Skyrock FM ou alors sur l'application Skyrock. Et pour bien commencer ce Planet Rap, on s'est plongé directement dans le projet. Ouais. Et on a fait un petit medley. C'est parti. Planet Rap Cayenne. Planet Rap. Écoute, cheat, frappe, pensez, nous concha. Ça vient de Ripa et pas du Pansa. C'est Cayenne qui rappe, faites entrer les rap. Et les pillages, bon, sur qui dans le sas. Écoute, cheat, frappe, pensez, nous concha. Planet Rap. Et ça devient insupportable. Quand es-tu fait la merde? Si j'étais ta fille, j'ai quoi le prix de l'innocence et de l'inconscience? La distance, fais ta carte, c'est loin de la chance. Et ça devient insupportable. C'est pour mes âmes dans l'attente. Demain sera mieux, on est des gagnantes. C'est pour celles qui bossent à plein temps, qui attendent leur chance, rêvant que ça change. C'est pour mes âmes dans l'attente. Demain sera mieux, on est des gagnantes. C'est pour celles qui bossent à plein temps, qui attendent leur chance. J'analyse mes fautes, banalise les autres. Je voudrais faire le tour du monde. Plus rien ne me choque, j'analyse mes fautes. Analyse les autres, je veux faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. Planet Rap Cayenne. C'est le Planet Rap cette semaine. Voilà un petit aperçu du projet de Cayenne qui sera dans les bacs la semaine prochaine. Hein. C'est ça, Fred. C'est le 20 avril. 20 avril dans les bacs. 20 avril dans les bacs. Faut qu'on se lève, allez pécho le P pour ceux qui soutiennent, ça bouge pas. En précommande. W, mon pote. En précommande dès maintenant aussi. On peut y aller, on peut aller cliquer tout de suite. Sur iTunes, c'est disponible. Sur lafnac.com, partout, sur toutes les plateformes. C'est disponible en téléchargement légal. Bon, Cayenne, on va se replonger un petit peu dans. Au prix d'un grec, hein, je précise. Donc, à combien? À 4,90. Ah bah 4,90. Voilà. Allez-y, allez cliquer. Vous allez récupérez. Précommander pour ceux qui soutiennent. C'est mieux qu'un grec en plus. Bah ouais. Largement. Il y a l'été qui arrive, faut entretenir la ligne. Donc c'est. Bah attends. Pour entretenir la ligne, il y a l'album le prochain. Il y a Cayenne. Voilà, il y a Cayenne. Faut qu'on se lève. À découvrir entre 20 et 21. Petit retour en arrière. Bon, il y a pas très longtemps, puisque t'as 20 ans, on le disait. Ouais. Cayenne, toi, ton histoire, elle commence où? Elle commence en Afrique, je crois, si je dis pas. Elle commence au Sénégal, à Sénégal. Dakar. Ouais, j'ai grandi là-bas. Donc en fait, mon père est hollandais, si tu veux. Ma mère, elle est camerounaise. Donc j'ai grandi dans des univers vraiment variés, si tu veux. T'as le nord, t'as le sud. Hein. J'ai vécu partout, tu vois. Mon père hollandais, ma mère est camerounaise, j'ai grandi au Sénégal, j'habite en France. Hein. T'es arrivé à quel âge? 14 ans, c'est ça? 13 ans et demi. Donc j'étais déjà dans la musique en quelque sorte, c'est-à-dire que j'écris depuis que j'ai 10-11 ans, si tu veux. Et ouais, c'est ma passion, je suis passionnée, je fais pas ça pour... Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire justement? Honnêtement, bah, c'est le fait d'écouter des rappeurs qui disaient dans leurs chansons par exemple que ils ont eu un début, si tu veux. En fait, étant petit, tu t'imagines pas que les gens ont eu un début. Tu t'imagines que bah, c'est une star née et que voilà, son talent, il a toujours été là. Sauf que bon, j'ai entendu des gens un jour dire que bah, il y a eu un début. Ouais. Je me suis dit bah, pourquoi pas commencer, tu vois. J'avais 11 ans à cette époque. Donc t'écoutais déjà même en Afrique beaucoup de rap. Il y avait beaucoup de quoi? Rap français, rap américain? J'écoutais pas mal de choses. J'écoutais pas spécialement de rap, mais j'en ai écouté. Et c'est de là que j'ai commencé à écrire mes premiers textes, si tu veux. J'avais 10-11 ans. Et ça s'est fait naturellement, ça s'est fait au feeling en fait. Il y a... Voilà quoi, ça s'est fait au feeling, j'écoutais des rappeurs et... Donc toi aussi t'as eu envie? Je me suis lancée, j'ai eu envie, j'avais Et puis voilà, ça a continué jusqu'à ce que j'arrive en France. Bah, t'arrives à Millau, c'est ça, hein? J'arrive à Montpellier d'abord. Montpellier d'abord. J'arrive à Montpellier, donc tranquille, je fais ma petite vie. Donc arrivé par le sud. Je suis arrivé par le sud. C'est quoi d'ailleurs, c'est quoi la première image que t'as? Parce que quand on vient d'Afrique, tout de suite, on arrive en France. C'est quoi, c'est le climat, c'est ah ouais, non mais j'ai horreur du froid, tu sais, je supporte pas, je me suis jamais adaptée. C'est quoi le premier truc quand t'arrives, quand t'as vécu 13 ans et demi, après je suis hollandaise, hein, t'imagines les hivers là-bas, c'est pire qu'ici. Ah, tu faisais aussi pas mal d'allers-retours entre la Hollande, ouais, non, entre l'Afrique. Tous les étés j'allais en Hollande. Tous l'été, ouais, tu faisais chemin inverse. Ouais, j'ai beaucoup voyagé, je connais pas mal de pays. Donc tu connaissais un petit peu le climat français, enfin voilà. Ouais, mais je me suis jamais adaptée. Ça t'a pas réussi à t'adapter? Non. Et du coup je suis arrivée à Millau, bon, par de fil en aiguille, je suis arrivée à Millau pour X raisons. Personnel. Voilà. Et sur une webcam, j'ai rencontré monsieur Willy Barge qui est à côté de moi. Une webcam? Sur une webcam, ouais. En fait. Tu foutais Willy sur une webcam? Non, mais c'était moi. Sur Facebook, bien sûr. Ah. Sur Facebook, non, mais pas sur une webcam. Attention, Fred, les idées mal placées. Non, mais on n'est pas chez Romano. Je reçois, on va dire, à l'année plein de petits jeunes et tout, qui sont des petits Yungen Winner, comment j'appelle ça, et tout, qui ont du talent. Mais il y a le petit Lille, le. Lille Taizi, à qui je fais trop. Ah, du lourd, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Par exemple, et bien ce jour-là, j'étais connecté sur mon Facebook. J'ai une petite meuf qui l'appelle. Avec sa peignoir et tout, tout tue en l'air et tout. Avec un petit un truc, je vois, je dis putain, c'est sale, ça, il y a quelque chose, tu vois. Tu sais, tu découvres un truc, mais tu te dis, il faut tailler autour et tout pour trouver la pierre qu'il y a à l'intérieur. Je dis, bon, vas-y, celle-là, je vais la prendre, je vais la mettre de côté. En fait. Je m'occupe de Gizmo pendant ce moment-là. Et donc, puis, c'était voilà, au moment où il y avait Gizmo. Ouais, il y avait Gizmo, ouais. On était en plein. En plein de sortie d'album. Boom de Gizmo. Ça pétait. Voilà, en sortie normale même, je crois. Et après normal, tu vois, je crois que c'était la banquise, voilà. Ouais. Je dis à Yuni, j'ai une petite folle là, t'as vu, j'ai croisé sur comme internet, dans le sud. Essaye de faire quelque chose, ramène-la ici. Il me dit, elle est où? Elle me dit, elle est à Millau. Il m'a envoyé un billet de train. Donc le mec, il me regarde, il me dit, jamais de la vie, t'es fou, je vais te signer Gizmo, il nous rend ouf, un alcoolique, un dingue, tu me ramènes des mecs avec des coupes bizarres. Je lui dis, écoute, celle-là, fais-moi confiance. Vas-y, il la signe et tout, nana. On la ramène, on fait prendre le train et tout, je la vois. Le lendemain, je la signe et. Ouais, voilà, ça s'est passé comme ça. C'est vraiment au feeling, tu vois. Toi, pourquoi est-ce qu'à un moment t'as été vers l'aventure Yoni Willy? Pourquoi est-ce qu'à un moment tu te sens. C'est le feeling, Fred. Franchement, je peux pas t'expliquer. Tu vois, franchement, je peux pas t'expliquer. Ce mec-là, je l'ai rencontré sur une webcam. Le jour où je l'ai rencontré, il m'a dit, je t'envoie un billet de train. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, je suis folle d'accepter la proposition. Bah oui, parce que tu peux dire, c'est quelqu'un que je connais pas. T'es chelou, quoi, au début. Voilà, tu vois. Mais non, rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? T'as senti. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans à l'époque. Franchement, je vais pas te mentir. En mode ghetto. Tu vois, moi, j'étais. En fait, je crachais par terre à l'époque. T'as pas tout dit, Fred. Nous, on était planqués dans le 01 parce qu'à l'époque, on restait pas sur Paris. Non, dans le 02. 02 dans l'Aisne. On était dans des patelins. Vas-y, laisse tomber, c'était maudit là-bas. Et puis, on a elle qui arrive comme ça et tout du jour au lendemain. Bam. Vas-y, après l'aventure, elle est bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'est fait au feeling. Et puis, pendant 3 ans, voilà, on a taffé. On était dans une. Ça a charbonné beaucoup. Ça a charbonné. Jour comme nuit, pas de week-end, rien. On a charbonné pour en arriver à. Voilà, on a créé cette EP. On est fiers du résultat. C'est un travail d'équipe, voilà. Et franchement, je suis super fière. On va revenir d'ailleurs sur ton histoire dans un instant. Et puis là, on va quand même peut-être débuter aussi avec un morceau. C'est le morceau qui porte le nom du projet, Faut qu'on se lève. C'est ça. On le met maintenant. Faut qu'on se lève. Et vous allez pouvoir découvrir Cayenne, genre, ce petit bout de bonne femme, quand un rap, quand un kick. C'est maintenant sur Skyrock. Le hashtag Cayenne sur Skyrock pour agir, balancer vos messages. Et le 20 avril dans les bacs. C'est ça. Faut qu'on se lève. YW. On se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Ne nous prendront plus la tête. Ne nous prendront plus la tête. On se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre, cette part de rêve nous amène à tout perdre. Donc nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guette, cessons de nous prendre la tête. Et dans les rues, ça se buffait comme en lutter contre un baby. Et tu sais que le rêve s'est emballé. Quand tu crois c'est dead et tu peux bien finir en sandales. $100, $100. Cette chose là c'est s'emparer de ton cœur et sans parler. Tu peux finir très mal. Mais il faut qu'on se lève sur cette musique qui nous baisse. Dans nos rimes et nos cœurs, sur le rythme et dans nos cœurs. Ils te font croire que tes rêves se réalisent à merveille. Jusqu'à ce que la solitude et le manque de vie te tuent. Faut que nos rêves fonctionnent et nous emmènent dans un monde meilleur. Fonctionnent et nous emmènent dans un monde meilleur. On se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre, cette part de rêve nous amène à tout perdre. Donc nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guette, cessons de nous prendre la tête. Et dans les ruelles, ça se bute. Mais comment lutter contre un mur? J'ai le cœur sur la main, mais ma main s'essouffle. L'environnement m'étouffe, un cri, une voix, une larme, chaque jour. En effet, ça m'étouffe, vivre pour mourir, nuire pour sourire, aimer pour souffrir. Au final, on s'aime, mais au final, on s'aime tellement. La vie, c'est rien, vie, ça coule, vie, ça pleinement. Une joie de vivre déterminée dans les sales moments. Si seulement je pouvais éviter ce se dit que nos rêves plus la tête, mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre, cette part de rêve nous amène à tout perdre. Donc nos rêves ne nous prendront plus la tête, mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guette, cessons de nous prendre la tête. Et dans les ruelles, ça se bute, mais comment lutter contre un mur? Là-bas, sa vie, oui, là-bas, c'est bien. On suit tous la même ligne pour se creuser un chemin. Là-bas, c'est yes, là-bas, c'est cool. Là-bas, c'est toujours mieux que ce que l'on a tous. Là-bas sa vie, oui là-bas c'est bien. On suit tous la même ligne pour se creuser un chemin. Là-bas c'est yes, yes. Là-bas c'est cool, cool. Là-bas c'est toujours mieux que ce que l'on a. Se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre, cette part de rêve nous amène à tout perdre. Donc nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guette, cessons de nous prendre la tête. Et dans les ruelles, ça se bute, mais comment lutter contre un mur? Yoni Willy, Willy Yoni, bang bang, kaka Kayen, Tiki Town. C'est le nom du projet, c'est aussi le nom du morceau qu'on écoutait à l'instant, Cayenne. Faut qu'on se lève. C'est notre invité cette semaine entre 20 et 21, on était sur ton histoire, Cayenne. Ouais. On en était au moment où tu débarques à Paris. C'est ça. Où je rencontre Yoni Willy. Yoni Willy, qui sont tes producteurs, qui la sont révélation. Là aussi. La révélation. Donc toi, t'arrives dans quel état d'esprit en fait quand t'arrives à Paris, puisque vous êtes rencontrés via une webcam, t'as kické, voilà. Comme ça. En fait, à la base, j'étais pas du tout dans un état d'esprit de faire de la musique mon métier, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'était plus un délire de vas-y, je kiffais, tu vois. T'avais envie de tenter l'aventure? Bah, j'avais 17 ans, tu vois. J'avais 17 ans, j'en avais rien à foutre. Enfin, excuse-moi, j'en avais rien à foutre et j'avais envie de kiffer ma vie, tu vois. C'était plus un kiff que sérieux, tu vois. Et je les ai rencontrés, ces gens-là, ils ont cru en moi. Voilà. Et de là, bizarrement, c'est lancé dans un truc sérieux, tu vois. À la base, c'était pas du tout le cas pour moi. Et ces gens-là ont cru en moi, donc je les ai suivis à l'aveugle, tu vois. Moi, de toute façon, je suis comme ça, j'y vais. Au feeling. Tu fonces. Je fonce, je suis comme ça. Et voilà, c'est parti pour 3 ans de boulot. 3 ans de boulot en studio acharné. Et ouais, j'ai kiffé mon aventure vraiment. Et quoi qu'il en soit, que ça marche ou que ça marche pas, je kiffe, tu vois. En même temps, c'est le début là. Hein. C'est le début carrément, de l'aventure. Je m'en fous. C'est voilà. Un kiff. C'est vraiment, ça reste une passion, tu vois. Et je kiffe, c'est une famille, tu vois. On a construit des choses, mine de rien, que ce soit petit pour les gens ou pas. Je kiffe, tous les jours on évolue petit à petit. Et franchement, voilà, c'est parti de là. On s'est rencontrés sur une webcam, on a enregistré des projets ensemble en studio. On s'est dit, bah vas-y, on lance un EP. Tu vois, on se lance, vas-y, on tente le truc. Donc on a signé chez Sony, tu vois. Et on a signé chez Because aussi, qui sont là, qui nous suivent. Et c'est merci cool, à Michel, avance. Bien sûr, parce que Michel, au début, nous a suivis pour les éditions. Ouais. On avait besoin de, tu vois, elle était signée en édition. D'un soutien, moi. Ouais. Voilà, grave, on avait besoin d'un soutien. Grave. C'est financier aussi. T'as une fille qui a 17 ans. Vous êtes un label indépendant en plus. Carrément. Indépendant, voilà. Tu vois. Ouais, j'ai une petite de 17 ans qui arrive, qui signe chez moi. Elle est pas à l'école. Faut s'en occuper. Faut qu'elle ait un appartement. Faut qu'elle ait un salaire. C'est ça. Voilà. Bah, le premier truc, faut qu'elle ait un salaire. Au début, on travaille, bam, pendant 6 mois. 6 mois après, boum, on va dire 8 mois, on fait tomber un salaire chez Because, c'est avec une coédition en édition avec Cayenne, et ça lui donne de quoi vivre chaque mois et de pouvoir se concentrer dans sa passion, quoi, d'un côté, de pas se dire ouais bon t'as vu je chante mais je sais pas demain qu'est-ce que ça va donner, mais au moins elle avait quelque chose, elle pouvait s'accrocher à et ça. Et toi Willy, quand tu vois justement ces gamines, mais le prend pas mal hein, quand cette gamine débarque à 17 piges, ouais. Parce que toi tu l'as juste vu par webcam, mais quand elle arrive, franchement tu sais ce que je te dis, sérieusement je dis bon faut que je fonce hein, parce que j'ai pas envie de vieillir, tu vois, je veux dire, je vais une petite jeune qui est là, qui me booste. Je dis, oh, bam, faut que j'y vais. Je suis pas de finir ringard. Je vais pas dire. Mais toi, t'arrives tout de suite à sentir ça quand justement elle arrive. Quand... Bah ouais, elle donne une énergie, elle donne une patate. T'as vu, quand t'as un jeune qui pousse un vieux en fauteuil roulant, tu une patate, tu la sens. Le fauteuil d'avance, c'est la même chose, tu vois. On va pas se décrire, c'est une métaphore, mais ouais, bien sûr. C'est un peu comme ça. On est une équipe, on est plus qu'une équipe, on est une famille, tu vois. On se donne de la force, c'est, voilà, c'est vraiment réciproque, c'est, ça donne envie d'avancer, tu vois. Que ça marche ou que ça marche pas, on fait ce truc-là par passion. La musique, c'est une passion avant tout. Comme quelqu'un pourrait faire, je sais pas, de l'athlétisme par passion, tu vois. Nous, c'est la musique, c'est notre passion. Tu vois, Fred, on a dû faire une, je sais pas, 8, 9 Planète Rap depuis qu'on se connaît, tu vois. Et j'ai fait Gizmo il y a pas longtemps. On n'a pas choisi la facilité, on a choisi d'être lyriquement frappant, tu vois. Respecter les codes du rap, faire certaines choses, ce qu'on aime. Moi, je trouve qu'à 18 ans, ce qu'elle raconte, ça colle à elle, avec son parcours, le monde qu'elle a connu, elle se ment pas à elle-même. À partir de là, moi, ça me touche, et puis voilà, j'y adhère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plein de trucs sensés, et puis un peu réels, tu vois. Maintenant, je produis Despo Roots aussi, Despo, tu as vu? Il y a des aléatoires, Despo, des fois ça va bien, des fois ça va pas bien. Mais on est là à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas une maison de disque, ouais, le week-end, je suis en vacances. Où tu m'appelles, je suis envoie-moi répondeur. Un mail, si Yahoo il répond pas, va te faire enculer. Non, c'est famille, pas ça. On se voit tous les jours à 24 sur 24. Mais on a besoin aussi d'une maison de disques, c'est tout à fait normal de pouvoir être exposé, pour faire leur travail qu'ils savent faire. Tu vois ce que je veux dire. Toi, Kayen, il y a eu des moments justement sur ces trois dernières années quand tu arrives à Paris, des moments un peu où tu dis, bof. Beaucoup de déceptions, c'est vrai. Des moments où tu dis, en fait. J'ai été dans le trou noir plus d'une fois, mais il y a eu des gens autour de moi. J'ai de la chance, je remercie. Mais ça va, elle arrivait dans une équipe avec des trous noirs. Comme déjà, on dit, on change pas une équipe qui gagne. Elle a l'hiver par là. Tu vois, non, mais franchement, Fred, tu vois, on change pas une équipe qui gagne. J'ai eu des gens autour de moi qui ont cru en moi. C'est ça qui m'a. Je suis une meuf, je crois que toutes les meufs d'aujourd'hui, de ma génération, c'est facile de tomber dans la dépression. Il suffit d'une déception amoureuse ou d'une déception. On en rigole, mais tu sais très bien. Tu vois. Mais moi, j'ai eu des bonhommes autour de moi. C'est cette chance que j'ai eue et je les remercie d'être là, qui m'ont donné de la force. Et ça ne t'empêche justement d'avoir plein de copines autour de toi et de raconter le dernier. Pas forcément. C'est des sœurs que j'ai autour de moi, c'est pas forcément des copines. Par exemple, il y a Mimi avec elle, t'as vu qui c'est. Ouais, voilà, exactement. Mimi YW, suivez-la sur Instagram, Facebook, partout. C'est l'avenir. Morceau femme, là, tu vois. Sauf femme qui a fait mes bacs, on va dire, dans le délire où ils sont ensemble, ils interprètent un morceau ensemble et les gens ils avaient leur opinion dessus, tu vois. Ouais, vas-y, tu ressembles à un mec, c'est le sexe fort. J'assume après d'un côté, oh non, t'es trop féministe, c'est quoi ce combat des femmes, mais je comprends pas, tu ressembles à un mec, d'un côté t'as le... Non, mais ça m'embête d'ailleurs, pas, franchement. D'ailleurs, on va en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'on sent que t'es une nana forte, hein, voilà, on sent aussi ce côté là, voilà, même s'il y a des moments où tu te regardes, je trouve qu'il y a un côté très fort pour 20 ans, tu vois, c'est qui est quand même assez fort. Merci, Fred. Et d'ailleurs, t'as lancé un freestyle il y a ce week-end un petit peu avant. Il y a une semaine justement où tu veux proposer un concours autour de ça d'ailleurs. C'est ça, tout à fait, ouais. En fait, on a lancé un freestyle qui s'appelle Femme. Mm-hmm. Ceux qui connaissent, de toute façon, on va le lancer tout à l'heure, hein, je pense. Là, on va même le mettre maintenant d'ailleurs. Ouais. Ok. Et donc, voilà, à la suite de ce freestyle, on a voulu lancer un jeu pour ceux qui veulent bien s'y prêter. Il suffit d'envoyer un message sur Skyrock pour dire ce que vous pensez. Enfin, ce que représente la femme à vos yeux. Voilà, pour être plus clair. Et les trois gagnants, chaque soir, ils remportent un album dédicacé. Très bien. Vous mettez un hashtag KNYW avec. Voilà. Donc, l'image de la femme, vous, quelle est votre vision de la femme? À vos yeux. Que représente la femme à vos yeux? Que représente la femme à vos yeux? Sur Skyrock, de 20h à 21h, pendant plein de temps. Avec le hashtag, allez-y, le hashtag KN sur Skyrock ou par SMS 41759. Et on attend les soi-disant bonhommes machos, là, qu'ils ont des. Voilà, les machos, on vous attend. Et bien, balancez aussi les mecs. Ton lit superposé. Je suis pas féministe, mais je représente les femmes quand même. C'est dans ta chambre, dans le 16e, et t'as un clavier. Allez, vas-y. Si vous préférez, les mecs, par exemple, voir Kayen derrière les fourneaux, derrière un micro, n'hésitez pas à envoyer un message aussi. Ou avec la burqa ou je sais pas ce que tu veux. 41759 avec le hashtag. Les amis sont acceptés, les trois préférés sont sélectionnés pour un album gratuit. Le hashtag Kayen sur Skyrock, et on va écouter justement ce freestyle qui s'appelle Femme maintenant. C'est parti. Kayen, Mimi, YW, ma gueule. 20 avril, dans les bacs, faut qu'on se lève. Être une femme, c'est être une mère. Parfois, c'est être un père. Être une femme, c'est l'inquiétude qui se réfugie dans la prière. Être une femme, c'est horrible, torride, morbide. Quand chacune de nos peines est considérée comme un orbite. Et ouais, on a des couilles, on sait encaisser les coups. On n'a pas tendu Simone Veil pour se comporter comme des louves. C'est trash d'être une femme et qu'on te dise la ferme. T'es bonne qu'à faire la graille ou au pire faire la vaisselle. Être une femme, c'est des erreurs qui se justifient par la peur. C'est quelques coups de fil pour se la raconter à ses sœurs. Être une femme, c'est un travail, un mode de vie et plein d'entailles. Être une femme, c'est dire je t'aime et juste après dire je me taille. Faire les courses et faire le taf, se battre encore, se battre. Être une femme, c'est s'acharner pour que la mifa se relâche. Être une femme, c'est beau de pouvoir porter ses gosses, donner le prénom de sa mère et devenir adulte précoce. Aller au taf, c'est ça nos vies, des couilles plus grosses que les hommes quand on se ruine pour que le petit ait des Air Max à l'école. Être une femme, c'est être forte même quand dedans on est faible. Être une femme, c'est des victoires car on ne supporte pas la défaite. Ouais, c'est naze, mais être une femme, c'est être leur femme quand ils nous passent la bague au doigt avant que le parle nous condamne. Ouais, ah, c'est ça nos vies, c'est ça nos vies. Marre de subir sans rien dire, bordel, laissez-nous. Laissez les femmes vivre, vivre avant que la foi les quitte. Hit, on a fait nos analyses. Hit, entre les problèmes, la galère et le mal. Laissez les femmes vivre, vivre avant que la foi les quitte. Hit, on a fait nos analyses. Hit, entre la galère, la galère et le mal. Je suis dans cette insomnie, moi j'ai la tête sous l'eau. Besoin de vivre. Je suis pas seul à être incompris, c'est tout le monde dans ce boulot. T'es pas te quitte. On a du mal à s'endormir. Car tous les jours y'a un nouveau problème. Tout ce besoin de partir pour voir la vie comme on l'aime. Besoin de faire le vide, de faire nos valises. Ici on n'en peut plus, non on perd nos repères. Trop de familles en crise, d'ici j'entends les cris. Tu sais on n'en peut plus, la douleur nous effraie. J'ai besoin de partir. Prendre l'air, prendre l'air, oh, oh, oh. J'ai besoin de voir la vie comme je l'aime. Laissez les femmes vivre, vivre avant que la foi les quitte. Hit, on a fait nos analyses. Hit, entre les problèmes, la galère et le mal. Laissez les femmes vivre, vivre avant que la foi les quitte. Hit, on a fait nos analyses. Hit, entre la galère, la galère et le mal. Le mal, le mal, le mal, le mal. La galère, les problèmes et le mal. Laissez les femmes vivre, vivre. Laissez les femmes vivre, vivre. Laissez-nous vivre. Entre la galère, les problèmes et le mal. 20 avril dans les bottes, Y et W, ma gueule. Cayenne. Mimi, ça bouge pas, non. Voilà, c'est un freestyle que t'as balancé là, et qu'on peut retrouver d'ailleurs hein, sur le net. C'est ça. Pour découvrir ce qu'il avec va avec Mimi. Aussi. Avec Mimi. C'est ouais, ça. Vous pouvez retrouver ça sur KNYEW. Sur tous ces réseaux sociaux, de toute façon, c'est Twitter, Instagram, KNYEW. Et donnez-nous, tiens, vous, l'image de la femme, allez-y, commencez à balancer. De toute façon, il y a eu pas mal de messages, il y en a des super. Il y a la femme est comme un diamant, cool. Une fois brisé, les morceaux peuvent pas se recoller. Bah ouais. Un peu de poésie cette semaine. Fred, moi je pense qu'il doit avoir plein de personnes derrière leur clavier, même chez eux, qu'ils ont envie de s'exprimer, tu vois. Allez-y. Je pense, tu vois, c'est bien. 41759, le hashtag Cayenne sur Skyrock. On va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau du projet? Le morceau qu'on écoutait, il est pas sur le projet. Hein, c'est plus voilà. C'est plus un freestyle. On va mettre quelques notes. C'est le clip qu'on a envoyé. On va balancer il y a pas longtemps. C'est cool. Et bon, on va le découvrir dans un instant sur Skyrock. Bougez pas, on vous attend aussi au freestyle par téléphone. C'est Cayenne, notre invité toute la semaine. Messi, Pastore, Neymar, Thiago Silva, Suarez, ils seront tous sur le terrain. Et toi, dans les tribunes, écoute le morning de Difool de 6h à 9h et gagne tes places pour les quarts de finale de la Champions League. PSG, Barça. En plus, le morning de Difool t'offre ton voyage, ton hébergement, plus tes places pour le big match. PSG, Barça, ça se gagne toute cette semaine. Difool, 6h-9h, morning show, avec le morning de Difool sur Skyrock. Cette semaine dans Public, Jennifer et Thierry, pendant qu'elle bosse, il assure. Alizée, son amour pour Grégoire, sa fille, elle se confie et nous dit tout. Et découvrez aussi notre dossier mode, la shopping list de Malika Ménard. Et en exclusivité avec Public, offrez-vous le rouge à lèvres color boost de bourgeois et osez toutes les couleurs. Le rouge à lèvres, 2,55€ seulement en plus de Public. Yax, c'est l'appli secrète dont tout le monde parle. Avec Yax, dis à tout le monde ce que tu dis à personne. Tes coups de cœur, tes pensées, tes envies. C'est gratuit et 100% anonyme. Télécharge Yax et découvre en temps réel ce qui se dit dans ta ville, ton quartier, ton bahut. Yax, c'est vraiment toi. Concert. Skyrock. Après une tournée des Zénith à guichets fermés. Comment ça va les amis? Kev Adams revient avec Skyrock pour les dernières dates de son spectacle. Voilà, voilà, dans toute la France. Dépêche-toi de prendre tes places à Lille, Clermont-Ferrand, Nice, Rennes, Nantes, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Nancy, Marseille et dans une trentaine de villes en France. Il y a des adultes qui me regardent, genre, t'es mort, t'entends ? Kev Adams, le Voilà, voilà tour. Info et place sur l'appli radio Skyrock, skyrock.fm et à tout moment sur l'antenne. Kev Adams, une tournée Skyrock. Kendrick Lamar. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. Pimp a Butterfly, le nouvel album de Kendrick Lamar, maintenant disponible. Quel gamin, j'ai passé la soirée à me faire remarquer. Pas sûr que ça plaise aux filles. Il est marrant, j'ai passé ma soirée à le regarder et je crois bien qu'il me plaît. Si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. Venez avec vos amis à l'une des soirées mythiques en téléchargeant gratuitement notre nouvelle application Mythique. T'es plutôt rap français, okay, ou rap et R&B US? Yo, yo. Skyrock t'offre les deux avec les albums CD des plus gros cartons du moment en rap français. Gradure, Caris, Lino, Alonso, Lacrime et Booba. Et en rap et R&B US, Kendrick Lamar, 50 Shades of Grey, Ed Sheeran, Ariana Grande, Nicki Minaj. Écoute Skyrock à tout moment et choisis ton kit d'album préféré. Yo, rap français ou rap et R&B US. Et en achetant les albums CD de tes artistes préférés, tu récupères du cash direct avec l'appli Skyrock Cashback. Skyrock, premier sur le rap. Rap and R&B non-stop. Si je te dis 30 jours à nous, tu me dis quoi ? Prospectus but. Bon, tu me dis pas vacances en amoureux ? Non, 30 jours d'offres canon sur les produits préférés des clients et nous, on est clients. Oh, t'as raison, je défais les valises. Ben oui. Mobilier, déco, électroménager, en ce moment chez But, retrouvez vos produits préférés à prix incroyable. But, c'est nous. Conditions en magasin et sur but.fr. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Yeah, c'est l'homme que l'on appelle Blacko sur Skyrock. Premier sur le rap, premier sur le hip-hop. Urban music non-stop. Yeah, yeah. Comme tout le monde, j'ai un but. Comme tout le monde, j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point. À qui c'est à temps. Si j'ai une bonne étoile, alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir, faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes. Mais je sais que là-haut, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue, au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là, je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions, accroché à mes rêves sur Sky. De tout laisser tomber. Puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Croire en ses rêves, c'est exister. Avec le sourire aux lèvres, faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser. Pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'écoute un placo sur Skyrock pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise. Et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça emballait le coup. Mon chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. Accroché à mes rêves sur Sky, je prendrai la direction. Le destin. Si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. Accroché à mes rêves sur Sky, je prendrai la direction. C'est dicté par mon instinct, de toutes les façons. Seul je sais ce que me réserve le destin. Hey. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Cayenne pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Cayenne. C'est Cayenne, notre invité toute la semaine. Le projet sort dans une semaine, 7 jours. Ce projet qui s'appelle Faut qu'on se lève, qu'on découvre tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Cayenne est là. Yes. Dans Planet Rap. Beaucoup de messages pour les femmes. Hein. Je vois les messages c'est arriver. Cool, continuez. Cool. 41-759. Les femmes, elles sont là. Les femmes, elles représentent. À l'honneur. Cette semaine. Tiens, justement, comme toi aussi, tu fais du rap. Est-ce que quelqu'un comme Diam t'a inspiré? Est-ce que c'est quelqu'un qui. Ah, carrément. J'ai reçu pas mal de messages qui me comparaient, excuse-moi, à Diam ou à Kenny. Mmh. Mais c'est un honneur. Ça fait partie de tes. Je le prends comme des compliments. De tes références et des gens que t'as beaucoup écouté. Oui, carrément. C'est des grandes personnes à l'heure d'aujourd'hui. C'est des personnes qui ont fait leur nom dans le hip-hop au milieu des vautours. Parce que moi, pour moi, le hip-hop, c'est un milieu de requins, hein, tu vois. Donc voilà, et c'est. Ouais, j'accepte carrément ces compliments. Pour moi, c'est des compliments. Je les prends en tant que compliments, ouais, grave. Bah, c'est vrai que quand on écoute même le freestyle. Je préfère ça qu'on me dise que je sais pas rapper, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'on écoute le freestyle femme qu'on a passé auparavant. C'est vrai qu'il y a un petit côté aussi. Il y a des petits clins d'œil. Fait plaisir. Ah, c'est vrai. Mais non, mais ce freestyle, c'est pas. Je suis pas féministe, tu vois. Je rentre pas dans des débats. Oui, non oui. Plus, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui me disaient, ouais, c'est un hymne pour ni pute ni soumise. Non, pas du tout. C'est juste que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ouais, voilà, je suis génération 95, tu vois. Et je pense que mes sœurs aujourd'hui, c'est les meilleures. Elles sont belles, elles sont intelligentes. C'est pas des coquilles vides. Ouais, Fred. Ce que je veux dire. Je représente. Je sais pas, représente la femme sans être féministe. Il y a combien de filles dans les quartiers qui vont au parloir pour leurs frères. Voilà, ou, exactement. Je sais pas, tu vois. T'as vu. Mes sœurs aujourd'hui, c'est les meilleures. 15 piges de placard. On les rabaisse. On a des mères, on a des sœurs. Si on dit qu'il y a le sexe fort et le sexe faible, c'est qu'au bout d'un moment, l'égalité, elle est pas là. Tu vois, les femmes aujourd'hui, elles sont là. Elles sont présentes, elles sont fortes, elles montent des entreprises. Elles sont intelligentes. C'est pas des coquilles vides, comme je t'ai dit tout à l'heure. Elles sont belles, elles ont de l'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Si tout le monde reste à sa place, comme voilà, dit Gizmo. T'en es aussi la preuve, parce que voilà, 17 piges, monter sur Paris, tout lâcher, se dire bon, bah voilà, je vais tenter, je vais aller au bout de ma passion. C'est ça. On verra bien ce qui arrivera. Bah, parce qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai un message à ma jeunesse que je. Surtout, elle a connu les rues du bled aussi, elle a connu l'Afrique. Mmh. Ouais, la France, c'est l'Eldorado, tu vois. Et ce que si j'ai un message à donner à ma jeunesse aujourd'hui, c'est voilà, tous les jeunes qui m'écoutent aujourd'hui sur Skyrock, accomplissez vos rêves, suivez votre cœur. Quoi que vous avez envie de faire, faites-le. Quoi qu'il arrive, faites-le dans la vie. Faut pas avoir de regrets, faut vivre au jour le jour. On s'en bat les couilles. C'est tout. C'est ce que j'ai à dire. Et bah, voilà. Cayenne avec nous, on va découvrir un morceau qui s'appelle Quelques notes. Dans un instant, le freestyle par téléphone. Tous les freestylers repartent avec des mini iPads cette semaine à l'occasion de la sortie du film Les Gorilles. On recevra d'ailleurs l'équipe des Gorilles demain. Ils viendront dans ton Planet Rap. Joey Starr, Manu Payet, Alice Belaïdi. Le film sort mercredi. Et là, on va écouter juste avant le freestyle par téléphone un morceau. Quelques notes. Cool. Allez, c'est parti. Bah, Cayenne, c'est extrait du projet. Allez, pêche le pied pour les vrais. Je suis dans un autre monde. On se perd mais on se retrouve tôt ou tard, tard, tard. En l'espace d'une seconde, y'a que nos rêves en quoi on croit. Noyé dans la tristesse, on voit toutes ces choses en noir, noir. Y a que 20 avril dans les bacs, Cayenne. Noyé dans la tristesse, on voit toutes ces choses en noir. La vie c'est pas un conte de fées. Non. Comme tu pouvais le croire, les mêmes potes deviennent des putes. Donc faudrait devenir un miroir. Cayenne. On se noie dans le faux, c'est vrai. On se croirait possédé pour une affaire de scud. On peut vite finir dans un coffret. Les mêmes qui dealaient à la chaîne pendant des piges. Soit ils sont au max, soit ils ont pris 10 piges. Ils te laissent kiffer dans une ambiance. C'est facile de perdre la tête devant des scénarios de romance et une sale romance. On n'a pas ça dans le sang. La vie date pas de l'enfance dans nos récits trash. Y'a pas que de la souffrance. Jusqu'à mon dernier souffle, laisserai personne guider mes pas. Je place ma confiance en lui. Dieu, c'est le seul maître de nos âmes. N'ai jamais de regrets quand je repense à tes erreurs. Non. Personne n'est parfait. Y et W, ma gueule. LM Face, Pika. L'erreur est humaine, je pardonne la médisance, c'est le mépris. Ouais, les yeux fermés, je m'envole sur la vibe, vibe, vibe. Je suis dans un autre monde. On se ferme et on se retrouve tôt ou tard. En l'espace d'une seconde, y'a que nos rêves en quoi on croit. Y'a plus de honte. Nos pieds sont trempés dans le vide. Ouais, Sky, envoyez vos messages, c'est pour les femmes. Sont éphémères, non, ce n'est pas un paradoxe. On partira comme nos ancêtres. Inutile d'être parano. J'ai perdu des gens chers et je déplore leur mort. Cayenne, Y et W, ma gueule. Pour tous mes refrais paro. Ouais. Pour ceux derrière les barreaux. 20 avril dans les bacs, faut qu'on se lève. Allez, pécho le P. Pour ceux qui se tiennent à carreau et ceux qui mettent des chaos. Ceux que la drogue a rendu accro pour se barrer car ça tourne pas rond. Non, j'ai fait du mal, j'ai fait du bien sous l'impulsion. En cherchant l'idéal, qu'on vient se perdre à cause de leur pulsion. Du genre impulsif, cause d'une vie menée durement. Les plus dangereux. atteignent le plus souvent brusquement. La trahison arrive aussi vite qu'un coup de massue. Cherche pas à fuir, non, tu auras qu'à assumer les courbatures. Dehors, c'est mort comme ta boîte. Impossible de rester sobre dans une ambiance inadéquate. Mais au fond, je m'en tape. Les yeux fermés, je m'envole sur la vague. Je suis dans un autre monde. On se perd mais on se retrouve tôt ou tard. En l'espace d'une seconde, y'a que nos rêves en quoi on croit. 20 avril dans les bacs, faut qu'on se lève. Allez pécho le P. Y'a que nos rêves en quoi on croit. Noyé dans la tristesse, on voit toutes ces choses en noir. On se laisse séduire par des mots, des promesses irréelles. Ne donne pas le survie à des mots, mais ils ont quand même un peu de potentiel. Combien sont mis à dealer de la cam dans les battes avant de finir au placard, ou en tout cas dans des sales draps. Combien de nos sœurs ont choisi le mauvais cum à genoux devant les coups, prisonnières de leur cœur et de leur amour. On se laisse guider par le mauvais œil, tendance affectueuse dans nos cœurs. On est pieux mais je crois qu'on pourrait faire mieux. Le mal est fait, j'accepte le pardon. Je ne suis pas rancunière, je crois qu'on porte tous un fardeau. Chacun sa filière, du propre sale, il n'y a qu'un pas. Pas facile de faire le choix comme un soldat qui en est. 20 avril dans les bacs, ma gueule, Y et W. Je suis dans un autre monde. On se perd mais on se retrouve tôt ou tard, tard, tard. En l'espace d'une seconde, y'a que nos rêves en quoi on est là. Y'a plus de honte, nos pieds sont trempés dans le drap, drap, drap. On se lève quand on tombe, y'a que nos rêves en quoi on croit. Noyés dans la tristesse, on voit toutes ces choses en noir, noir. Y'a que nos rêves en quoi on croit. Noyés dans la tristesse, on voit toutes ces choses en noir, noir. Yoni Willy Willy Yoni ma gueule. 20 avril dans les bacs, faut qu'on se lève. Allez pécho le P, c'est pour les vrais ma gueule. Quelques notes à l'instant, c'est extrait du EP. En effet, un projet qui sortira lundi 20 avril, loupez pas la sortie de Cayenne entre 20 et 21. Sur Skyrock, je te présente Marocco de Valence. Salut Marocco. Salut Fred, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va tranquille hein. C'est Cayenne notre invité cette semaine Marocco. Ah si si j'ai vu, lourd lourd. Salut. Ça va ou quoi? Tu connaissais, t'as suivi un petit peu le parcours de la jeune fille? Comment? T'as suivi un petit peu son parcours? Ouais j'ai regardé un peu, bon je connais pas vraiment beaucoup tu vois, mais j'ai regardé quand même un petit peu et franchement lourd, je kiffe. Si mère la famille ça bouge pas. Et bah ça arrive le 20 avril, toi tu viens freestyler cette semaine, vous repartez avec des mini iPads à l'occasion de la sortie du film Les Gorilles qui sort le 15 avril, avec Joey Starr, avec Manu Payet, avec Alice Belaïda. Ah ouais. Eh bah ouais mon pote c'est pour toi. Mais ah faut, bah ça me fait super plaisir. Mais il faut quand même déchirer au freestyle, on t'écoute. Ok. C'est parti. Yo, ça en fait. Roloto BBB. Mardon, c'est, ça en fait. Leur tourne, mais pas la roue. Entre nous, mais combien d'entre nous rêvent d'une vie meilleure? S'épanouir, ouvrir les yeux au lieu d'éviter ceux des leurs. Liberté, égalité, mais comment rester digne? Dis-les pour survivre, c'est pas ce que nous apprend nos mères. Merde, le système nous emmerde. À votre avis, pourquoi ces hommes ont-ils peur de notre opinion? Rester tendre et être mignon, c'est qu'être une bombe. Un retardement armé à chaque coup de ma plume. Je n'ai que mon rap comme armement. Viens comprendre mon acharnement. La misère a fait de nous des garnements. Voilà la cause de votre inconnaissance. Chaque homme n'est innocent. Comment voulez-vous suivre le troupeau si de père en fils nos roues sont creusées, nos rêves sont terres avant nos âmes, mais combien de portes sont fermées, mais combien de blocs sont chargés, messieurs les médiateurs, magiciens manipulateurs, on n'est pas dans les mêmes bateaux, dans les mêmes pipeaux, dans les mêmes sarcos, là. Vas-y, reprends, vas-y Marocco. Le mensonge attend à vous donner, la réalité humanitaire n'a rien à vous offrir. Ok, c'était juste la fin en fait, il manquait que la fin, il manquait un tout petit bout, c'était bien de le faire jusqu'au bout. Merci à toi Marocco. Ah, merci à vous. Hein. Le mini iPad à l'occasion de la sortie du film Les Gorilles, c'est pour toi, ouais, on t'écoute Marocco. Je voulais faire une grosse case dédiée, BDK Crew, Chris Erwan, TMTBM aussi, et voilà on est là, et la page Facebook Marocco 26, et Instagram, Twitter Marocco BDK Crew. Merci à toi. Non, merci à vous. Ciao ciao Marocco, on freestyle à l'instant. Franchement bien c'est conscient, j'ai bien aimé. Mère, la famille, j'ai écouté ouais, le début, le deuxième partie Cayenne m'a interrompu, je te dis la vérité. Et j'ai bien aimé côté texte un peu conscient, franchement. Cayenne, on va te retrouver toi en live dans quelques minutes. Yes. J'ai la vérité. On va voir ce que ça donne en plus. Non, super la famille, même super, super lourd, super validé. Bravo à toi Marocco. Et juste avant de passer au live de Cayenne, on écoute un morceau, celui de Wiz Khalifa avec See You Again. Ma sonnerie comme Tony. « It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you. You both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship, a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you home. Oh, it's been a without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. Wiz Khalifa à l'instant avec See You Again sur Skyrock. Passez une bonne soirée. Cayenne est là, notre invité cette semaine. Toute la semaine, entre 20 et 21, on va découvrir Cayenne avec son projet qui sort le 20 avril. Faut qu'on se lève. C'est ça, faut qu'on se lève. Faut qu'on se lève. C'est ça. Bah, faut qu'on se lève sur Skyrock entre 20h et 21h. Est-ce que tu es prête pour du live maintenant, Cayenne? C'est parti, Fred. Quand c'est tu parti, bah, c'est pour vous. Hein. Vas-y, DJ Sims. Sims au platine. On voit la sauce. Yo! Yo, c'est Cayenne au mic, ça bouge pas ma gueule. 20 avril dans les bacs YW. Ouais, ouais, je rappe pour ceux d'en bas, ceux qui triment pour ceux qui ont rien, non. Je rappe pas la belle vie, je rappe la misère et la faim. Les frères que t'entends jamais se plaindre, pourtant un tas de blême. Je rappe pour celles qui vivent de Zikmu et ceux qui vivent de Z. On fait des aquas dans les Twingo, dehors c'est pique un saut. Je représente la testesse et ses zonards. Demande à Omar, pour les voleurs de boss. On monte à 3 sur le scooter, y'a l'opinel dans la sacoche. C'est pour mes rastas, c'est pour mes rastas. C'est pour ceux qui ont les dreads, ouais mon équipe c'est les best. Best, y'a Yoni sur le scooter, 50 à l'heure sur le périph. Willy, tu veux un freestyle, appelle shérif. Je suis sous Jack Coca chérie, ouais je m'en tape de la dérive. Demande à Barrio, Cayenne représente Berry. C'est pour les sauces dans les ZX, gros joint sur le périph. Chaque jour en studio, c'est une passion, c'est pas pour le bif, non. Ouais. Non, Y et W, lance une autre instru, Sims, ça pue la merde. t'inquiète. Yo. Ok, 20 avril dans les bacs, allez pécho le P. C'est pour les vrais, ouais. C'est Cayenne au mic. Y et W, ça bouge pas, non. Ok. Ouais, wesh Fred, c'est comment? Ok. Face, Alimi. Ok, hein, ça sert à quoi de raconter ma vie? D'avoir la rage ou le vice? Je vends des disques et ramasser mes valises. Mon rap, c'est rien qu'une analyse. Je suis pas dans le mystique, je fais pas ça pour moi. On dirait que c'est... Ça fume des ouanges, on s'habitue. Les tox prennent des substituts. À quoi ça sert la cité quand la plupart de nos frères s'y tuent? On veut juste sortir de la merde. Les refs sortir de tôle, ils ont tous des regrets. Vu le poids sur leurs épaules, combien vivent dans la merde? Le fusil à l'épaule, demande à ton fils comment il se faisait respecter à l'école. On a la joie de vivre du sud au nord, d'Afrique jusqu'aux Comores. Pour ça qu'on est des clowns dans le décor. Qui est l'exemple dans cette société d'anarchistes? Où à 12 piges elles portent le string et elles sont toutes narcissiques. Je ne vis que de musique quand j'enregistre mon corps vibre. Ah, pourrais-je un jour me sentir vivre? Je suis pas un porte-parole, j'écris ce que je constate. Ils disent c'est dur mais on dirait qu'ils veulent qu'on se tape. Je porte un poste à la mienne, l'Afrique mon bled. Pour ces enfants du monde, y a nulle part où les gens comprennent. Je suis pas un porte-parole, j'écris ce que je constate. Ils disent c'est dur mais on dirait qu'ils veulent qu'on se tape. Je porte un toast à la mienne, l'Afrique mon bled. Pour ces enfants du monde, y'a nulle part où les gens comprennent. Yo, y'a nulle part où les gens comprennent. 20 ah, dans les bacs, ça bouge pas. Faut qu'on se lève, ma gueule. Y et W, ma gueule. Kaka, yeah. Yoni. Ok, sur Sky. Ça bouge pas, ma gueule. Grosse dédicace à la banquise, Gizmo. Cayenne. Tu dois nous écouter à cette heure-ci, big up. Ah, putain de phénomène. Quand ils disent je rappe pas la cool, moi. Je suis respectueuse ouais. devant mes chaînes, mais loin d'être courtoise. Demande pas pourquoi on vit avec le seum. Dans le cœur, trop de séquelles. Mais la foi en un seul. On a croisé la trahison. On a croisé le deuil derrière chaque grande dame. Se cache une envie de meurtre. Le combattant combat sa peur. La peur combat le faible. Mande à Iblis que ça fait de se faire respecter par des traîtres. Avec le mal de guerre, sachant que l'orgueil nous guette. Mais pour pas finir dans la merde, elle donne son boule pour des pépettes. Et on s'en seul. Hein. Ça devient difficile franchir le seuil. C'est pour l'oseille que la plupart en viennent au deuil. Ouais, hein, c'est Cayenne au mic. 20 avril dans les packs, ça bouge pas ma gueule. Ok, hein, c'est pour les vrais. Allez pécho, pas porte-parole, non. J'écris ce que je constate. Ils disent c'est dur, mais on dirait qu'ils veulent qu'on se tape. Je porte un toast à la mienne, l'Afrique mon bled. Pour ces enfants du monde, y'a nulle part où les gens comprennent. Je suis pas à porte-parole, j'écris ce que je constate. Ils disent c'est dur, mais on dirait qu'ils veulent qu'on se tape. Je porte un toast à la mienne, l'Afrique mon bled. Pour ces enfants du monde, y'a nulle part où les gens comprennent. Non, y'a nulle part où les gens comprennent. Cayenne dans les bacs. Y et W, wesh Fred, faut bouger la tête là. Wesh DJ Sims, envoie la sauce. Comment mon sauce? Ouais. J'suis pas un porte-parole moi. Vas-y. T'es pas number one. Non, non, t'es pas number one. C'est parfait. T'es pas number one. Number one, t'es pas number one. Dans mon cœur, non, t'es pas number one. Non. T'es pas number one, number one, non. T'es pas number one, number one. T'es pas number one dans mon cœur, non. T'es pas number one, number one. T'es pas number one dans mon cœur, non. T'es un artiste, yo. Je t'ai vu dans les bras de cette meuf au gros bétard. Tu kiffais comme ce n'est pas permis, hein. On me soupçonne d'être une mytho. Je ne calcule ni le prix ni le niveau, coco. Je vois que tu fais le mec qui se la raconte pas. Mais à la table t'as mis le litron. Il m'a dit t'es belle, je lui ai mis un coup de poing. Si l'amour est avec, tu vas tout droit dans le tapin. Et oui derrière les barreaux je vois que t'es en place. Tu faisais le 6 gros métier plus en place. T'es pas number one, number one. T'es pas number one dans mon cœur, non. T'es pas number one, number one. T'es pas number one dans mon cœur. Non. T'es paresseux mais pour les connes t'as trouvé le temps. T'as liké ma photo mais t'as fait une capture d'écran. Putain le pauvre type se disperse même dans sa grosse caisse. Je le trouve toujours pas élégant. Putain le brut artiste. T'as l'air qu'on voudrait dans les dents des artistes. T'as une dent contre moi, oh que c'est triste. Hamza, Fernic, plein de vernis. Yo, yo, yo, t'es pas number one. Non, non. Non, t'es pas number one. Number one, t'es pas number one. Dans mon cœur, non, t'es pas number one. Non, non, t'es pas number one dans mon cœur. Non, non, t'es

Oui, allô, ça Bienvenue va et vous? Bienvenue dans le Planète Rap, je te présente Cayenne, c'est notre invité toute la Merci. Semaine. Merci, ouais, j'ai vu ça, salut Cayenne, ça salut. Va Salut En formation ça va, ça va, tranquille, hein, je suis là, ouais, en forme. C'est quoi pour toi, boulot, vacances, qu'est-ce qui se passe? Boulot, vite fait. Vite fait, ok. Ouais. Et vite fait aussi la roulette, bah on y va, c'est parti. Ok, bah on y va. Dès que tu veux, tu dis stop. En famille, parfait. Et ben voilà, Asia, tu vas choisir cette semaine dans la roulette. Il y a des kits albums, plutôt côté anglo-saxon US ou plutôt français. T'as envie d'écouter quoi, toi? Du son français, du son US? La marre de son français, que tu es. Et ben non, faut choisir un des deux. Okay, regarde, Asia. Asia qui essaye de nous faire genre de choper les deux. Mais oui, attends, le mec qui a fait un freestyle, il a eu un iPad. Tu viens faire un freestyle alors, tiens. T'as raison, on t'attend dans la semaine, tu viendras faire un freestyle. Chacun sa chance. Ok, bon, bah alors je vais prendre. J'aurais pris Caris, mais je l'ai déjà, donc on va prendre Lino. Mais non, mais il y a plusieurs, alors je t'explique. Peut-être que ce n'est pas clair, je n'ai pas été clair. Tu mets des problèmes, toi. Asia, soit tu prends le kit US, t'as une dizaine d'albums US, soit tu prends le kit français, t'as une dizaine d'albums français. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ouais. Ah bah oui, c'est pas un album. Français, alors. Et bah français, bah tu vois, c'est en effet, tu retrouveras Caris, mais il y a aussi Lino dedans. Pardon ? Allô ? Ouais, Asia, j'étais perdu un moment. Qu'est-ce que tu disais ? Ouais, désolé, j'ai pas entendu. Non, je disais, tu retrouveras donc l'album évidemment de Caris, mais il y a celui de La Crime, il y a celui de D'accord, Booba à l'intérieur, ouais, c'est pour toi. Booba. Et puis on va t'envoyer aussi l'album de Cayenne, le projet de Cayenne, il sera dedans. Ah ouais, ok, ça marche. Et bah terrible, Asia. Ok, parfait. Est-ce que je peux faire une dédicace ? Vas-y, on t'écoute. Alors, je fais une dédicace à Anissa dans le Banks, à tous mes frères et sœurs, tout le 95, plus particulièrement Mala, et à Ryan, il se reconnaîtra. Eh ben ça roule, je te fais des bisous, Asia, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Et bonne soirée, Cayenne. Merci, bonne soirée. À toi aussi, Fred. Merci à toi, Willy, d'être passé. Merci à Yoni, merci à Simpson. Si tu nous ouvres la porte, on vient tous les jours. Et ben demain. Demain, la porte sera grande ouverte pour vous. On vous attend un petit peu avant 20h. Yes. Juste avant de retrouver la radio libre de Difool si et toute l'équipe qui doit être là aussi. Mais oui, Fredo. On est là. Et nous je te présente Cayenne. Bonjour, Cayenne. Salut. J'allais dire, nous aussi, on peut dire bonjour à Cayenne. Oui, quand même. Salut, Cayenne. Demande un iPad à Fredo parce que quand on freestyle, et j'appuie du freestyle d'une chose à l'autre, viens un peu de la merde. Tu vas en avoir beaucoup. Demandez à Difool des places pour PSG Barça. Il en a plein. Du foot, on préfère Steve Jobs. Moi, je veux jouer au jeu de Cayenne, moi. Bah, vas-y, joue. Moi, c'est ma réponse, c'est le ménage. Bah, t'es pas sélectionné. Alors, dégage, Karim. Oh, Karim. Et voilà, Karim, remballé. Son jeu, c'est en fait, c'est les auditeurs doivent envoyer un message que représente la femme à leurs yeux. Bah, voilà, c'est le ménage. Déjà, t'es pas sélectionné. J'ai pas trop voulu être art. T'as vu, j'ai dit le ménage. Gentil. Pas trop être art. Il a fait des efforts en plus, t'imagines. Il a essayé, ouais. Ouais, c'est clair. Bon, bah, vous envoyez ça à Cayenne. Et tout au long de la semaine, on la retrouve 20h, 21h, Cayenne, pour ton premier Planète Rap. Yes. Le tout premier des premiers. Yes, tout premier. Et pas le dernier. Bah, je suis venu, mais pour accompagner Gizmo. Voilà. Oui, c'est vrai, tu étais déjà passé dans Planète Rap. Mais là, c'est à toi, c'est ton Planète Rap. C'est son Planète Rap. À pas louper, 20h, 21h, Cayenne. Et demain soir, bah, on sera là, 20h, 21h, pour le Planète Rap. Ton Planète Rap, à toi. C'est super, merci. Bisous, Cayenne. Bisous, salut la famille. Salut et bisous, Fredo. Salut, ciao, ciao. La course à pied. Et demain, on est de retour. Course à pied. Fredo, tu veux faire de la course à pied? C'est quoi? Je sais pas. La course à pied, non, là, ça va. J'ai couru déjà le marathon. Ah, c'est pour ça. Bien sûr, je suis épuisé. Ah, c'est parce qu'il fallait. Je l'ai fait en 1h50. Oh, mais il est trop fort, Fredo. Oh, qu'il est fort. J'étais tellement vite que je n'ai pas été sélectionné. Qu'il est fort et qu'il est beau. C'est Fredo demain, 20h, 21h, avec Cayenne à pas louper. Et là, on va démarrer. Ah, bah tiens, on va démarrer fort avec. Major Lazer. C'est terrible ce morceau. C'est super. Me rend dingue ce morceau. Major Lazer et puis DJ Snake et puis Mo sur ce morceau pour démarrer cette soirée. Et puis Radio Libre 01 53 40 30 20. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler. Tout peut arriver entre 21h et minuit. Vous déchirez tout, on vous attend. Et juste après Major Lazer, il y a toute l'équipe qui débarque. Bah ouais. Et l'équipe qui est déjà là d'ailleurs. Hein. Vous pouvez nous appeler. Allez-y. SMS le 41759, le skyrock.fm, l'appli Skyrock. Jusqu'à minuit pour faire plaisir à Fred qui va danser. Comme un dingue. Personne ne filme pour qu'on puisse faire buzz. Non, non. Oh là. Dommage. Dommage. Non, mais je viendrai vous faire une petite danse, rien que pour vous, une danse du ventre. Ah, ok, c'est merci, gentil. Voilà. On est content, tiens. Allez, Major Lazer, et puis on arrive juste derrière sur Skyrock. A tout de suite, tout ciao, le monde. Ciao, ciao. Radio Libre, c'est parti. 1500 euros tous les matins sur Skyrock. C'est toi, c'est Skyrock. La prochaine fois que ton téléphone sonne, réponds que ta radio préférée. Skyrock. Ouais, Skyrock. Et ben, je vais dire Skyrock. C'est simple et facile. Non, c'est pas possible. Et ça peut rapporter 1500 euros cash.